collège j'étais le seul, alors je n'osais pas trop les mettre en avant. Je n'en parlais qu'avec les potes sans fierté, mais ça c'était avant. Avant de rencontrer J-Park, de savoir qu'il était corse. Maintenant, on est deux, on représente, on bombe le torse. Île de beauté, c'est là d'où vient ma famille et mon sang. C'est la mer, la montagne, un peuple, sa langue et son accent. Paradis de nature sauvage, de polyphonie au son des guitares. Pas commercial, passionné d'art, ça chante dans les bars. L'été, j'y entends lyonnais, comment ça s'est passé l'année. Que je m'énervais au lycée, c'était all corse, tu vas tout faire sauter. Pas de produits explosifs, juste présence de la loi du silence. Comprends s'il y a embrouille, je suis pas le témoin, encore moins la balance. Trop d'ignorants insuffisants, parle tout de suite de nationalisme. Mais ma région ne rime pas avec fanatisme et racisme. On me traite même de terroriste quand j'en parle sur le continent. Car l'image des Corses est salie par des préjugés présents depuis longtemps. Chacun ses origines, oui, mais nique la discrimination positive. Car au fond, toutes les discriminations ont des conséquences négatives. Faut qu'on réussisse par nous-mêmes, car sinon, où est passé l'honneur? L'honneur revient toujours à celui qui peut s'en sortir, s'élever de bonheur. Et malgré le travail de nos pères, les nobles ne comprennent rien. Ils feraient quoi sans l'argent de papa, donc c'est bien eux les vauriens. Moi, je sais d'où je viens, mes origines coulent dans mes veines. Elles ne me freinent pas, me poussent jamais, ne me gênent. L'égalité des chances pour tous, ça c'est l'essence de ma vie. Toute différence a une importance, je te donne juste mon avis. Moi je prône un principe, c'est chacun ses origines. C'est aussi ça la France, ouais chacun ses origines. Parce qu'on a tous des horizons différentes, de près ou de loin. Parce qu'on a tous le droit à la même chose, peu importe d'où l'on vient. Moi je prône ce principe, c'est chacun ses origines. Parce que c'est ça la France, ouais chacun ses origines. Le titre c'est chacun ses origines. Original dans un pays rigide, façon rigide par des tonnes de vigiles qui te jugent mal pour une appartenance raciale qui est pour eux cruciale de condamner. Réaction logique, absolument pas. Faites à base de préjugés à tempérer, c'est pour ça que je t'en parle bien sûr. On ressent tous la peur de l'inconnu, ce mal du cœur qui t'interdit d'aimer ce qui n'est pas ton cru. Le message c'est chacun ses origines. Et je veux que vous compreniez que la terre est faite pour nous entendre rugir, pour écouter et s'ouvrir. Car des couleurs nous font nous dégoûter et souffrir. Laisse des pleurs et des soupirs. L'égalité, je viens défendre cette idée. Je veux qu'on appelle français tous détenteurs d'une carte d'identité. Stop à la discrimination, positive ou négative, elle déchaîne les passions. Elle est indigne de ma nation. Mon espoir c'est que chacun puisse être fier de ses origines, des belles qualités comme des défauts incorrigibles. Prendre ce que la France apporte, être fier de ce qu'on lui donne. Que ça vienne de Corse, de métropole ou des dom-dom, comme de n'importe quel continent. Voir ça comme un enrichissement, comme un gisement de pétrole qui n'apporterait que l'essence d'une vie, sans que des intérêts géopolitiques ne pourrissent l'avenir. Ta mère compris que c'est pas pour rire, c'est pour de vrai, c'est un message de paix. L'égalité des chances pour tous, ça c'est l'essence de ma vie. Toute différence a une importance, je te donne juste mon avis. Moi je prône un principe, c'est chacun ses origines. C'est aussi ça la France, ouais chacun ses origines. Parce qu'on a tous des horizons différentes, de près ou de loin. Parce qu'on a tous le droit à la même chose, peu importe d'où l'on vient. Moi je prône ce principe, c'est chacun ses origines. Parce que c'est ça la France, ouais chacun ses origines. Mec infini de 972, c'est DJ Kizzy et Mike, même savent ça. Que les pull-up ça passe, nous même on laisse ça. Tu parles le français, l'anglais ou bien même l'espagnol. Ben savent comme un fini de, comme un fier, dis pas les créoles. Martinique c'est pays, moi c'est là comme originaire. Mec a vu l'autre, qu'a vu le gros tome, appelé mes césaires. Malgré des sortes la forme fini de, comme moi j'adhère. En mouvement chaque ses origines, écoute ce son. Ça va te plaire, ça qu'a fait 3 ans, mais en France, moi qui a suivi t'es là. Ça qu'a fait 5 ans, moi qui a tosté. On est les deux platons. Faut mec qui a crassé, on est deux bras plats. J'suis pas seul. Pour le ETF, sur ma compagne, sous ça réalisé. Au qu'arrivé à temps, côté de ça, la caribé 7-9, c'est dessus le mec. Moi même, pé pas réalisé, qu'à ma dinéna. Comme moi même, pas la casse, ou fait à temps, faut dire, y'a pour prendre un nouveau débaillé. Laissez-moi prendre des souffles, mon bébé apprécie anti-salant lyrique, c'est flow moins low. Quand il me mentir comme moi ça rappe, moi un préféré prendre ma clap pour ça venir toaster. 9726, un micro trompette, DJ AY, qui cabazote en son qui peut foquer en son high-tech. Comprendre, ça moi qu'a dit au son en cas de santé. Chez Noble Rating Golek. L'égalité des chances pour tous, ça c'est l'essence de ma vie. Toute différence a une importance, je te donne juste mon avis. Moi je prône un principe, c'est chacun ses origines. C'est aussi ça la France, ouais chacun ses origines. Parce qu'on a tous des horizons différentes, de près ou de loin. Parce qu'on a tous le droit à la même chose, peu importe d'où l'on vient. Moi je prône ce principe, c'est chacun ses origines. Parce que c'est ça la France, ouais chacun ses origines.